mes remerciements les plus sincères à Maître Vincent Gomez ainsi que Monsieur le maire Hugues Ngwelondele. Yabino Kado Yangoyoe. Sina zwi na mongali yena.